Un peu plus tard, on nous a appris le nom d'un certain monsieur Chuck Berry. Alors me direz-vous, c'est lui qui a fait ce rythme fou. Nous les lionceaux, quand on entend ça, on devient dingue sans savoir pourquoi. Si Baudinet vient à Paris, nous